Nous n'avons pas d'objectif militaire à développer. Nous voulons que ces messieurs comprennent qu'il faut négocier plutôt que recourir à l'astuce de toujours, faire appel au Conseil de sécurité parce qu'il y aurait l'Ouganda qui envahirait Bunia, alors que Bunia est libéré depuis 2 mois, ou qu'il y aurait le Rwanda qui désintégrerait le territoire des Yoa. Et bon, tout cela, ce sont des larmes de crocodile pour essayer de faire venir les forces internationales afin qu'elles interviennent pour maintenir au pouvoir le régime qui a fait échec. Il y a 3 mois, vous disiez que vous vouliez atteindre Kinshasa. Avez-vous toujours l'objectif militaire de prendre Kisangani, puis peut-être plus loin Kinshasa? Nous avons et la volonté et la capacité, mais nous sommes sages. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Kisangani n'est plus pour vous un objectif militaire? Je ne peux pas dire cela, monsieur. Ça dépendra de l'attitude de ceux qui restent encore d'autorités zaïroises là-bas. S'ils négocient, bon, tout s'arrange à l'amitié, à l'amicable. Mais s'ils ne négocient pas, nous serons obligés d'avancer. Est-ce que vous avez les moyens d'avancer jusqu'à Kisangani? Mais monsieur, j'ai jeté sur la bataille quelques 8 000 soldats, nouveaux soldats venus dans le centre de formation, beaucoup plus déterminés. Tout le monde est armé. Ils ont encore la soif d'écraser de la pourriture zaïroise, de la soldatesse qui a ruiné le pays et le peuple ici. Hein. Bon, le moyen et la volonté, nous en avons. Si vous avez un message à transmettre aux autorités zaïroises, au président Mobutu notamment, quel est-il? Ce message sera celui-ci. Monsieur Mobutu connaît son bilan, l'échec et la destruction du pays. Il ferait mieux de passer le pouvoir à l'Alliance et voir ce que l'Alliance pourra faire de ce pays. Et tout cela doit se faire par le biais constitutionnel. Nous n'en voulons pas, M. Mobutu, en tant que personne. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. D'ailleurs, si c'est nous qui prenons le pouvoir, nous dirions qu'il ne faut plus qu'il y ait de président qui s'exile. Notamment, M. Mobutu, nous avons pitié de son état. Nous voulons qu'il reste dans son pays. Notre pays a besoin de la paix. Il faut que ce monsieur vienne et on négocie, que l'on puisse trouver une solution paisible au problème de la crise du pouvoir. Mais de toutes les façons, pour nous voulons un pardon général pour beaucoup de choses, dont la paix dans notre pays. Et le 17 mai 1997, à Kinshasa, Laurent-Désiré Kabila s'autoproclame président de la République démocratique du Congo.